Toujours un peu. Imaginez aux portes de Paris des bêtes sauvages, des grosses bêtes, des ours, des cervidés de belle taille, mais aussi des hyènes ou des mammouths. Bienvenue dans la plaine de l'Eure, il y a 800 000 ans. Ce sont les éléments mis au jour sur un site archéologique exploité au milieu du 19e siècle et qui a alimenté les débats sur l'existence ou non d'un homme tertiaire et des traces de découpe sur ce registre exclusivement animal. 150 ans après, un travail de recoupement, de recollection et d'analyse a été fait sur cette collection de Saint-Prêt, un travail minutieux d'enquête et d'analyse qui éclaire d'une lumière nouvelle une fouille centenaire. Des mammouths près de chez vous, c'est le programme préhistorique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter la magnifique histoire de cette fouille et comment elle a été réexaminée à l'aune de nos connaissances et technologies contemporaines, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Amélie Vialet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en paléoanthropologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et Arnaud Hurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien également au Muséum, auteur de La France préhistorienne de la Révolution à 1941. C'est aux éditions du CNRS. Cette émission est évidemment en lien avec une exposition, l'expo Mammouth Géant dans la vallée de l'Eure. C'est une exposition au musée des Beaux-Arts de Chartres depuis le 5 février et qui dure jusqu'au 5 juin. Mais on commence par celle qui tue des mammouths dans ses rêves depuis qu'elle a 3 ans. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue ce matin dans la revue British Medical Journal, la prise d'un certain type de médicament augmente les risques d'AVC. Oui, il y a une dizaine d'années, on a découvert que la prise de certains neuroleptiques augmentait le risque d'AVC ischémique, le plus courant des accidents vasculaires cérébraux. Ces neuroleptiques, qui sont utilisés en psychiatrie, appartiennent à une famille de médicaments plus large, les antidopaminergiques, qui sont aussi utilisés dans d'autres indications, comme par exemple pour lutter contre les nausées et les vomissements, avec des antiémétiques qui appartiennent à cette même famille chimique. Des médicaments qui sont très courants, le dompéridone, le méthoclopramide et le méthoprimésine. Le plus utilisé d'entre eux est prescrit à plus de 4,5 millions de Français chaque année. Une équipe française a analysé les données de plus de 2600 patients hospitalisés pour un AVC ischémique. Ils ont découvert que la prise d'antiémétiques était associée à un risque d'AVC, avec une augmentation par 3 de ce risque sur une période très courte pendant 7 à 14 jours. Antoine Pariente est professeur de pharmacologie et de pharmaco-épidémiologie au CHU de Bordeaux. Il est le co-auteur de cette étude. De plus en plus, pour faire des études sur la sécurité du médicament en situation réelle de soins, on utilise des bases de données qui sont des bases qu'on dit médico-administratives. Donc globalement, c'est des bases de données de type assurance maladie couplées à des bases de données d'hospitalisation. Ces bases, elles sont extraordinairement intéressantes parce qu'elles rassemblent des données de santé pour énormément de patients. En revanche, elles contiennent peu d'informations cliniques. Je ne vais pas connaître, en utilisant les informations de ces bases de données, le niveau de votre pression artérielle, par exemple. On va pas savoir si vous êtes un fumeur actif ou pas, etc., etc. Et du coup, il y a quand même certaines limites quand on réalise des études avec ces bases de données. Et on a choisi un schéma d'étude qui permet de, en utilisant le patient comme sa propre référence, de contourner ces limites dans l'information qui existe, en ayant tout de suite des résultats qui prennent en compte de manière automatique la susceptibilité individuelle des patients à présenter un certain type d'événement. Où en fait, ce qu'on dit, c'est finalement la meilleure référence possible pour un patient, c'est lui-même. Et si on veut être sûr qu'on a bien pris en compte le risque individuel ou les particularités individuelles qu'il avait de présenter un événement de santé, bah tant qu'à faire, autant le comparer à lui-même. Et du coup, ce qu'on a fait, nous, ici, c'est comparer la fréquence d'utilisation du médicament à un moment proche de l'événement et où, du coup, la consommation du médicament est susceptible d'avoir provoqué l'événement. En tout cas, on peut faire l'hypothèse que le médicament a contribué. Et on compare cette fréquence de consommation proche de l'événement à d'autres fréquences de consommation chez la même personne, mais de manière plus ancienne dans le passé, à un moment où, de toute manière, s'il a pris le médicament, il y a vraiment très peu de chances que ça ait contribué d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, cette fréquence de consommation plus ancienne, elle nous donne une certaine référence, un niveau de consommation standard, on va dire, pour les personnes qui sont incluses dans l'étude. Et puis on voit si ce niveau de consommation, il change avec la survenue de l'événement et donc à proximité de la survenue de cet événement. Et ça, ça indique un potentiel lien entre la prise du médicament et la survenue de l'événement étudié. Cette fréquence de consommation dans les 15 jours précédant l'événement, elle est entre 3 et 4 fois plus élevée que ce qu'elle était à tous les autres moments qu'on a étudiés. C'est ça qui, bien sûr, est indicateur d'une relation possible entre la prise de ces médicaments et la survenue de l'AVC ischémique. Et si vous voulez retrouver l'étude publiée dans le British Medical Journal dans le texte, eh bien, nous avons posté comme chaque jour le lien sur notre fil Twitter @laméthodeFC. Et on passe au bref. Le prix Abel 2022 a été décerné hier au mathématicien Denis Sullivan. Le prix Abel, que l'on prénomme aussi le prix Nobel des mathématiques. La prestigieuse récompense revient à cet Américain de 81 ans, ancien professeur au MIT, puis à l'IHS. Le comité du prix Abel a salué hier ses 50 ans de carrière dédiés aux mathématiques et ses contributions révolutionnaires à la topologie dans son sens le plus large, et en particulier ses aspects algébriques, géométriques et dynamiques. Denis Sullivan est un mathématicien influent qui a aidé à fonder la théorie de l'homotopie rationnelle. Dans ses travaux, le chercheur a souvent établi des liens entre des domaines des mathématiques qui étaient historiquement considérés comme distincts. Selon une étude parue dans la revue Nature Communication, un patient atteint de la maladie de Charcot a réussi à communiquer par simple impulsion cérébrale. Oui, cette maladie peut laisser certains patients sans aucun moyen de communication, pas même avec un appareil de suivi oculaire. Sur un patient de 37 ans, totalement paralysé, une équipe européenne a implanté 2 micropuces de 64 microélectrodes dans le cortex moteur, qui est en charge du mouvement. L'homme devait se représenter le mouvement. Cette activité cérébrale, captée par les implants, a ensuite été transmise à un ordinateur. Un programme d'orthographe a ensuite traduit à l'écran les lettres sélectionnées par le patient. Après des semaines de formation, le premier mot épelé a été « merci ». Le processus est encore lent, environ une lettre par minute. Mais cette étude est une nouvelle percée dans les interfaces cerveau-machine. Elle prouve qu'une communication basée sur le cerveau est possible. Et enfin, la FDA, l'équivalent américain de l'Agence nationale de sécurité du médicament, vient d'approuver la commercialisation à des fins alimentaires de bovins génétiquement modifiés. Et des bœufs génétiquement modifiés pour mieux résister au réchauffement climatique. Grâce à la technologie CRISPR-Cas9, la société américaine Acelligen a modifié le génome de bœufs pour qu'il porte un pelage au poil plus court, plus lisse et plus adapté aux vagues de chaleur. Une mutation génétique naturelle que l'on trouve chez certains bovins des climats tropicaux et un gène héréditaire qui peut donc être transmis aux veaux. La FDA a jugé que cette alternation du génome ne représentait qu'un risque faible pour la consommation alimentaire. Ces bœufs OGM pourraient se retrouver dans les assiettes des Américains d'ici 2 ans. Voilà, un steak naturellement bien cuit, tel est le nom de ce nouveau bœuf OGM. Merci beaucoup Natacha. Exceptionnellement, on ne vous retrouve pas demain parce que, comme vous l'apprendrez à la fin de cette émission, demain est une émission spéciale, mais on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Bon week-end Natacha. L'histoire de la carrière Régnier à Saint-Pré est absolument passionnante en ce qu'elle raconte l'histoire de l'évolution de la conception de la préhistoire et de la paléoanthropologie. C'est à partir de 1848 que sont signalés les premiers ossements fossiles, à l'époque considérés comme datés du Pliocène, soit entre 5 et 2 millions d'années. Sur le site, on ne trouve que des fossiles animaux, en grand nombre, d'assez gros animaux, avec notamment un mammouth, alors pas laineux, mais méridional, on y reviendra, un certain nombre de gros cervidés, quelques carnivores comme des ours et des hyènes, ainsi que des restes d'un hippopotame énorme de plus de 4 tonnes. Toute la question qui va agiter la société paléontologique de l'époque, et notamment le géologue et archéologue Jules Desnoyers, qui va tâcher de prouver qu'il existe bien sur le site de Saint-Pré des traces de présence humaine, ce qui tendrait à démontrer l'existence de l'homme tertiaire, dont l'existence est à cette époque encore vivement contestée. Rappelons à titre de marqueur historique que l'origine des espèces de Charles Darwin n'est publiée que 11 ans après, en 1859. C'est donc une histoire de la préhistoire que nous raconte ce site. Et cette histoire de Saint-Pré a été réexaminée après un travail minutieux de reconstitution de la collection originale. Et ce qu'elle raconte aujourd'hui n'est pas tout à fait pareil, mais pas radicalement différent non plus de ce qu'elle racontait hier. Et c'est cette histoire que nous allons donc vous raconter tout au long de cette heure, avec peut-être, pour commencer par l'origine, Arnaud Hurel, comment sont mises au jour les premiers ossements de Saint-Pré? De façon assez classique, c'est en fait l'exploitation, un chantier de travaux publics qui nécessite fournir suffisamment de matériaux pour une voie de chemin de fer. Et donc on étudie un certain nombre de sites, ce sont les géologues qui sont à l'œuvre et qui vont donc exploiter des carrières. Donc on sait que beaucoup de découvertes sont faites à cette occasion, hein. C'est pas seulement à Saint-Pré, mais ça va être dans la vallée de la Somme, ça va même être ailleurs évidemment, à ce type d'occasion. Et donc on constate très vite que au milieu des graviers dont on a besoin, on va mettre au jour des restes de faune, d'une faune assez étrange, en tout cas très ancienne. Et c'est ce qui va attirer dès 1848 l'œil en tout cas du géologue qui travaille sur place et qui lui-même a un goût certain pour la paléontologie. Amélie Vialet, donc ce site est signalé en 1848 à la Société géologique de France, et comme le dit Arnaud Hurel, c'est vraiment le moment où est en train de se construire le récit préhistorique, vraiment littéralement. Petit à petit, on commence à avoir des pièces, mais on n'a pas les bonnes pièces, on les met pas aux bons endroits, il y a encore beaucoup de trous dans la raquette en quelque sorte. Oui, alors finalement, on commence à découvrir ces faunes éteintes qui interrogent déjà et qui intéressent les paléontologues qui vont les décrire minutieusement. Et puis très vite, c'est la question de la contemporanéité de l'homme avec ces faunes éteintes. Donc c'est là que se posent les questions les plus enflammées de ce fait. Et puis la fameuse question de cet homme avant ou après le déluge et de son existence potentiellement très ancienne avant le déluge. Oui. Le déluge à l'époque, il est daté en quelque sorte. Alors, je suis pas sûre en qu'on tant que ait la date cette exacte. Cette question, si vous me permettez, cette question n'est pas une question. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une question qui, comme vient de le souligner Amélie Vialet, qui préexiste, qui est celle de l'origine de l'homme. Et c'est une question que se posent à la fois les historiens, les archéologues, mais également les sciences naturelles. Et avec des outils. Et les ecclésiastiques. Non, ils ont la réponse puisqu'elle est écrite. Donc, en fait, ils se posent cette question et avec des outils propres à chacune de ces disciplines, essaient d'y répondre. Il est évident que les archéologues et les historiens, faute d'écrits suffisamment attestant une ancienneté suffisante pour parler d'origine en tant que telle de l'homme, sont obligés de faire appel à d'autres disciplines, en l'espèce les sciences naturelles. Et ce sont les sciences naturelles qui vont forcer la porte de cette profondeur temporelle, de cette épaisseur du temps et permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que les archéologues et les historiens pouvaient faire. Mais tous les deux, enfin tous ces trois champs disciplinaires se posent la même question au même moment. Et ils vont avoir besoin et des uns et des autres. C'est-à-dire que le naturaliste va effectivement découvrir des ossements d'une faune disparue, il va pouvoir établir une coupe stratigraphique, il va pouvoir avoir des considérations géologiques, mais il va falloir le travail de l'archéologue pour interpréter les outils qui vont être mis au jour, pour les comprendre et également comprendre peut-être éventuellement des traces que l'on pourrait découvrir sur des restes d'animaux. Donc c'est finalement entre 1859 et 1863 que se joue véritablement cette émergence de la préhistoire, à la fois en tant que possibilité d'un temps antéhistorique, mais aussi en tant que discipline. Mais tout bascule en 1863. Tout bascule en 1863 parce que... Alors tout bascule parce qu'en fait, tous ces gens qui travaillaient ensemble, qui arrivaient à une réponse qui était quand même assez extraordinaire, hein, c'est-à-dire que finalement, cette origine n'avait pas de point d'origine, il n'y avait pas de départ, et que toute découverte permettait de repousser de plus en plus loin cette origine de l'homme, en particulier, c'est un des apports essentiels de Saint-Pré, hein. Pour répondre à des attaques, à des doutes concernant ces découvertes, eh bien finalement ce sont des champs disciplinaires qui vont se séparer à nouveau. C'est-à-dire que dans un autre site qui s'appelle ce Moulin Quignon, qui est dans la vallée de la Somme, les débats ont lieu en même temps que ceux de Saint-Pré, hein, au printemps et à l'été 1863, on va faire appel finalement aux archéologues pour vérifier si les outils que l'on trouve, ces artefacts, ces pierres taillées, sont réellement faits de main d'homme ou pas. Donc c'est une vraie question, et s'ils sont faits de main d'homme, sont-ils récents ou sont-ils réellement anciens? Et vous voyez, finalement, on n'a plus vraiment besoin à ce moment-là des naturalistes. À Saint-Pré, au contraire, on a besoin des naturalistes parce que on est dans des âges où on n'imagine même pas la présence de l'homme. Et donc, on a besoin de donner un âge à cet éléphant, à ces restes d'éléphants que l'on met au jour. Et les archéologues viendront ensuite. Justement, Amélie Vialet, je le dis, le site de Saint-Pré est originellement daté donc du Pliocène, c'est-à-dire entre 5 et 2 millions d'années. Comment est-ce qu'on date un site à l'époque ? Bah, à l'époque, justement, c'est bien relatif. On se base sur la stratigraphie, sur la succession des faunes. On le fait toujours aujourd'hui, d'ailleurs. On appelle ça la biochronologie. Simplement, aujourd'hui, on a des jalons beaucoup plus précis et surtout des méthodes de datation qui sont physiques et qui, donc, sont beaucoup plus nuancées. On peut rétablir la vérité. Aujourd'hui, le site de Saint-Pré, il est daté entre 800 000 et 1 million d'années. Oui, alors ça, c'est essentiellement sur la biochronologie. On n'a pas utilisé, justement, de méthode de datation physique sur le site de Saint-Pré. Donc, c'est vraiment le cortège des faunes, le degré d'évolution de chacune des espèces dans ce cortège faunique, qui est tout à fait comparable aux autres sites qu'on connaît ailleurs, plutôt autour du bassin méditerranéen, toujours sur cette tranche de temps entre 1,2 million et 800 000 ans. C'est ce qu'on appelle aussi l'épivillafranchien. Donc, c'est tout à fait cohérent sur la base du degré de développement de ces faunes, de considérer que le site de Saint-Pré est dans cette fourchette temporelle. Alors, si on revient à l'histoire donc de Saint-Pré, 1848, signalement à la Société géologique de France. Quand on commence à sortir donc des ossements de cette carrière, finalement, les ossements, on se les a déjà un peu répartis. Certains les ont ramenés chez eux. Enfin, évidemment, les fouilles ne sont pas du tout aussi précises et aussi rigoureuses que ce qu'elles sont aujourd'hui. Comment se passe la fouille? Comment se déroule cette fouille à Saint-Pré, Arnaud Hurel? Je suis désolé, mais il n'y a pas de fouille, hein. Voilà. Réalité. C'est-à-dire que on n'est pas dans un objectif de démonstration. Donc c'est véritablement l'opportunité qui est offerte par ces travaux qui permet de mettre au jour des ossements. Donc on est aussi dans le monde des naturalistes est quand même un monde qui s'organise autour de types, mais c'est-à-dire en fait autour de spécimens, autour de collections. Et donc ce qui compte, c'est la pièce. Et donc la pièce que l'on met au jour existe en elle-même, elle est porteuse elle-même de sa propre vérité, de son sens. Et donc son contexte finalement est intéressant, mais une fois qu'on a dit qu'on était au Pliocène, qu'on était à la fin du Pliocène, bon, c'est calé géologiquement, chronologiquement. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la détermination de chacune des pièces. Et donc, les rapporter les unes aux autres, et pour ensuite, éventuellement, déterminer l'ensemble de la faune présente sur le site. Donc, c'est ça qui est en jeu, véritablement, en 1848, en tout cas. En 1863, on est dans un autre contexte. C'est-à-dire que, effectivement, les premières pièces mises au jour, et en tout cas déterminées comme des pièces intéressantes, hein, c'est 1848, même si des découvertes ont pu être faites antérieurement, mais c'est 1848. Mais le véritable intérêt de la communauté scientifique, c'est 1863. Parce que justement, la préhistoire existe et qu'on se dit finalement, pour rentrer être un peu plus précis, Édouard Larté, un paléontologue, avait défini trois critères pour dire que la préhistoire existait. Il nous dit, il faudrait trouver des outils appartenant à des hommes, des outils assez rudimentaires, en l'espèce des pierres taillées. Il faudrait trouver ces outils associés dans des couches archéologiques, enfin associées dans des couches stratigraphiques, pardon, avec des animaux, des restes d'animaux disparus, et éventuellement, troisième critère, des traces d'action de ces outils sur les ossements d'animaux. Et donc, on a déjà une méthode, on a déjà des critères qui sont déterminés, des caractéristiques, et on va essayer de les mettre en œuvre à Saint-Pré, tout comme on essaie de les mettre en œuvre sur les autres sites à cette époque. Et là, il va falloir trouver, une fois qu'on a trouvé, des restes de faune, d'animaux disparus, une fois qu'on a éventuellement déterminé des traces sur ces ossements, il nous manque un élément important, ce sont les outils. Donc c'est à ce moment-là qu'on va véritablement s'orienter vers l'idée d'une fouille, d'aller spécifiquement sur place pour chercher quelque chose. Vous voyez, donc la démarche est différente, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même type de question qui préexiste avant d'aller sur le site. Ce qui est passionnant et paradoxal dans ce que vous venez de décrire dans ces trois critères, c'est qu'il y a un critère qui saute aux yeux quand on a nos connaissances actuelles contemporaines, c'est que finalement le critère principal, c'est-à-dire l'existence d'ossements humains, est complètement mis de côté. C'est presque superflu, enfin, superfétatoire, même de d'avoir des ossements humains. Alors, pour différentes raisons, c'est-à-dire que la démonstration est faite, effectivement, mais en même temps, qu'est-ce que ça nous apporterait de trouver des restes humains? Pas grand-chose, parce qu'en fait, ils sont identiques à vous, à moi, il n'y a pas de raison qu'ils soient différents de nous. Donc, on aurait juste, effectivement, l'artisan, se dire que peut-être que l'outil qui est là, et le squelette humain qui est à côté, on a peut-être l'artisan et son outil, mais rien de plus. Ça, d'un point de vue scientifique, ça ne nous apporterait pas grand-chose. En plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qu'on trouve, Amélie Viallet, dans cette non-fouille de Saint-Pré? Faites-nous un peu une petite recension, finalement, des restes fossiles qui sont découverts à l'occasion bien de cette carrière, finalement, puisque c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai qu'il y a deux temps dont on vient de parler. Hein, il y a avant et après 1863, on va expliquer pourquoi. C'est vrai que le fait que ce ne soit pas une fouille, mais moi, je dirais une collecte, c'est un élément important, parce que finalement, on a justement collecté, ramassé ce qui était intéressant à l'instant T, hein, en 1848 et les années qui ont suivi, ce qui interpellait, ce qui était nouveau. On peut sans doute penser qu'ils ont ramassé surtout des pièces de grande dimension, qu'on n'a peut-être pas prêté attention. Je pense à ça, par exemple, aujourd'hui sur ce genre de site, puisqu'on en connaît quand même plusieurs maintenant. On a très souvent associé à ces grandes carcasses animales sur lesquelles l'homme est venu prélever en fait des bouts de viande, et c'est pour ça qu'il laisse quelques petits outils traîner dont il n'a pas besoin, enfin qu'il a utilisé juste sur place. On a souvent associé par exemple des coprolites d'hyènes, c'est-à-dire des excréments fossilisés. En fait, chez ce genre de charognard, les excréments se fossilisent parce qu'ils sont pleins d'ossements, puisque l'hyène mange donc ces ossements. Donc, on trouve ces coprolites d'hyènes. Eh bien, je me suis fait la réflexion qu'à Saint-Pré, on n'en a pas trouvé dans les collections. Peut-être qu'en fait, à l'époque, on n'a pas su les reconnaître, parce que bon, c'est assez informe, même si une fois qu'on les a déterminés, ça devient évident. Donc voilà, il y a vraiment ce biais, hein, du fait qu'on est sur une collecte, donc on a sans doute les ossements les plus volumineux. Et en termes de... Finalement, ce sont des ossements d'animaux. Vous les avez évoqués tout à l'heure, tout à fait bien. On a les animaux qui sont liés aux cours d'eau, donc les hippopotames, le castor. On a les animaux plutôt des plaines, comme le bison, le cheval, et tous les cervidés aussi, qui sont très inféodés, plutôt au milieu forestier. Alors vous voyez, ça vous permet aussi de dépeindre un petit peu les paléo-environnements via justement les biotopes de chacun de ces animaux. Et puis ce mammouth méridional. Et c'est vrai que le titre de l'exposition, fort bien choisi par la direction de l'archéologie de Chartres Métropole, eh bien, titre des géants en Vallée de l'Eure. Et en effet, on a toujours des animaux qui sont de grandes dimensions. Même le castor est d'une belle dimension et donne lieu d'ailleurs à la détermination d'une nouvelle espèce. L'hippopotame, vous l'avez rappelé, et le mammouth méridional, il peut faire, si on s'en réfère au spécimen de Durfort qui est présenté donc à la galerie d'anatomie comparée de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle, il fait à peu près 4 mètres de haut. Alors, il y a deux choses, effectivement. Une chose importante, c'est que on va dire fouille, si vous m'autorisez à dire fouille par défaut. Cette fouille, en tout cas, ce gisement paléontologique, appelons-le comme ça, a permis donc de nommer, vraiment a été la source taxonomique de plusieurs espèces. Déjà, peut-être il faut le rappeler, ce qui est très important. Trois d'entre elles, voilà. Donc le Mammuthus meridionalis, qui est devenu en 82, par les travaux de Michel Bedin et Yves Coppens, Mammuthus meridionalis deperetti, donc une sous-espèce nouvelle, parce qu'en fait c'est un mammouth méridional qui est un peu sur la fin de son histoire. Donc vous savez, on fait une détermination du mammouth par rapport aux lames dentaires, au nombre de lames dentaires sur leur molaires, et là elles sont justement plus nombreuses que sur les espèces, enfin sur la forme un petit peu archaïque de ce mammouth méridional. Donc c'est un petit jeune, c'est un plus récent, ce mammouth méridional deperetti. Et puis on a aussi ce cervidé, cette espèce d'élan qui est un peu particulier, qui a des bois très particuliers, qui s'appelle Alces carnutorum, en référence à la cité des carnutes, bien sûr, pour la ville de Chartres. Et puis ce castor, justement, de grande dimension. Grande dimension, ça veut dire quoi? Alors je pense qu'il faut imaginer peut-être le double de de l'actuel, finalement. Voilà, on a son crâne qui est bien préservé, qui est présenté dans l'exposition que vous citiez aussi en introduction. Et alors, l'autre élément intéressant, qui je rebondis a posteriori sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que le fait que ce soit essentiellement donc les grosses pièces ou les os les plus importants qui aient été préservés, le fait qu'il y ait notamment très peu de phalanges peut participer du même manque d'attention que vous évoquiez tout à l'heure pour les coprolithiennes? Oui, tout à fait. Et puis, on pense aussi à la microfaune. C'est-à-dire que nous, on étudie les microvertébrés, parce que, donc les rongeurs, hein, parce que en fait, ils se reproduisent assez vite. Leur morphologie change vite et puis ils sont très inféodés aussi à leur biotope. Donc s'il fait froid, s'il fait chaud, ils vont pas mal migrer. Et donc ce sont de très bons indicateurs paléo-environnementaux. Bah, évidemment, là, à Saint-Pré, on n'a pas du tout prêté attention à ces petites dents de rongeurs qui font quelques millimètres de long. Donc... C'était la question, à laquelle vous venez tout à fait de répondre parfaitement. Donc du coup, le loup dans la bergerie ou le mammouth dans le magasin de porcelaine, c'est donc la question de l'occupation ou non humaine de ce site. Il faut peut-être faire un détour par une personne importante dont il faut citer le nom lorsqu'on évoque bien la première histoire de Saint-Près, c'est Jules Desnoyers. Qui est à ce moment-là il est de formation naturaliste, mais il est bibliothécaire au Muséum national d'histoire naturelle. C'est d'abord un scientifique il est très connu parce qu'en fait il a publié un article très important sur les cavernes qui mettait en doute un certain nombre de découvertes dans les années 1840 en considérant que le remplissage des cavernes ne permettait pas d'attester d'une chronologie de façon certaine. Et donc finalement c'est le même individu qui semblait assez réticent l'idée de préhistoire, va être en réalité l'un des principaux vecteurs de la reconnaissance de la préhistoire. Donc c'est intéressant également de suivre son parcours, mais c'est quelqu'un c'est un vrai scientifique. Donc en fait c'est l'accumulation, enfin c'est les réponses aux questions qu'il se posait et les certitudes qu'il peut acquérir petit à petit qui l'amènent à changer d'opinion à cet égard. Mais on a le géologue anglais Charles Lyell qui suit également le même processus, hein, et qui d'ailleurs va intervenir sur cette affaire de Saint-Près de manière importante. En vous écoutant dialoguer tout de suite, je pensais quand même à une chose, c'est que finalement le scientifique ne trouve que s'il cherche. Si on ne cherche pas de coprolite, on ne les trouvera pas. Donc c'est un peu la même chose pour d'autres questions à Saint-Près. C'est en particulier le cas pour les outils. On ne les cherche pas en tant que tels, puisque c'est un site paléontologique. Donc ce site paléontologique, on n'imagine pas que l'homme puisse être associé à ce site. Donc on veut des bêtes spectaculaires, et on en a. Et donc il se suffit à lui-même avec ce type de renseignements. En revanche, quand on va retourner en 1867 sur le site pour chercher des outils, on va en trouver. Ou en tout cas, on va penser en trouver. Donc, c'est toute la démarche scientifique, hein, ça correspond bien au thème de l'émission. La méthode en elle-même est au fond le problème de fond de l'ensemble du dispositif. Parce que la question donc qui se pose, et l'une des questions que va porter Desnoyers parmi d'autres par ailleurs, hein, c'est donc l'idée de savoir si il y a eu ou non, avant même le retour en 1867, des marques d'activité humaine. Et donc, Desnoyers trouve des traces de charriage, des stries de découpe, et lui est intimement convaincu que il y a là des preuves de la présence humaine en même temps que ces grandes espèces disparues. Oui, tout à fait. C'est sa présentation donc en 1863 à une des séances de l'Académie des sciences. Et il fait là vraiment une présentation très détaillée de toutes les traces qu'il a observées sur les ossements. Il est allé sur le terrain, il a vu les différentes collections aussi dispersées dont vous parliez tout à l'heure. Et il a fait donc ses propres observations, et en scientifique rigoureux, il a vraiment fait ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas on fait presque pas mieux, c'est-à-dire une espèce de typologie des traces, et d'essayer de comprendre en fait d'où viennent chacune d'entre elles, parce qu'il faut discerner dans l'ensemble des possibles celles qui sont éventuellement des traces dues à l'activité humaine. Discriminante. Discriminante totalement, et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste difficile. Et alors, quelles traces trouve-t-il précisément ? Donc, ce que vous avez évoqué, c'est vrai qu'il distingue les traces de charriage, parce que là, on est en contexte fluviatile. Donc, il faut imaginer des ossements qui se sont accumulés là, peut-être sur un méandre, parce que le cours se réduit un petit peu. Et donc, sur le bord de fleuve, les ossements sont accumulés. Ils sont donc un petit peu quand même transportés dans cette matrice. La matrice, c'est quoi? On le voit encore sur certains ossements, elle est encore adhérente. C'est ce limon, mais qui est plein de petits, justement, encore éléments de silex, de quartz, donc vraiment des éléments un petit peu tranchants, abrasifs, on dirait. Donc en fait, c'est pour ça, c'est parce que les ossements circulent un peu dans cette matrice qu'ils sont un peu abrasés. Donc ça, ce sont les premières traces un peu naturelles, on pourrait dire, qui nous renseignent sur l'histoire en fait du dépôt de ces ossements. Et puis ensuite, on peut avoir des traces laissées par d'autres carnivores. Parce qu'une fois que les carcasses sont là, plus ou moins en partie conservées, eh bien elles vont attirer donc les charognards, dont l'homme. C'est intéressant aussi de se poser la question, on peut le faire sur d'autres sites, hein, qui sont donc fouillés de façon minutieuse et plus récente, mais on peut regarder quels sont les premiers qui arrivent. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est l'hyène justement? Et parce qu'il y a un accès aussi aux meilleurs morceaux qui est en jeu. Donc il y a un très beau site dans le sud de l'Espagne qui s'appelle Fuente Nueva 3, où on voit bien, par la disposition même, parce que maintenant on fouille en prenant les coordonnées dans l'espace de tous les objets évidemment, hein, donc on a un sol totalement en place, on a une carcasse de mammouth, route. On a quelques coprolites de hyènes plutôt sur le pourtour et on a les restes des pierres taillées des industries humaines qui sont plus proches du squelette. Donc finalement, on imagine que l'homme est peut-être arrivé en premier et surtout, il y a des éléments qui manquent. Les membres, par exemple, manquent. Donc on imagine aussi qu'ils ont dû prélever ces éléments pour les consommer ailleurs. Et pour Saint-Pré, alors ? Alors, pour Saint-Pré, finalement, les observations de dénoyés sont tout à fait, je le disais, rigoureuses. On voit la difficulté de ce genre d'observation. La différence, quand on entreprend cette démarche aujourd'hui, et c'était l'objectif de notre programme de recherche pluridisciplinaire au muséum, c'était justement d'observer de très près, parfois au microscope, ces séries d'ossements. On a entre 800 et 1000 ossements fossiles qui se rattachent à Saint-Pré. On a dû en observer au moins 5 ou 600 de très près parce qu'on observe ces différents types de traces et on cherche ces traces de découpe. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une belle expérience, je dirais, et puis des corpus, des référentiels de comparaison. Mais on parlera dans quelques minutes de la façon dont vous avez travaillé à nouveau sur ces spécimens et sur ces traces fossiles. Peut-être un mot avec vous, Arnaud Hurel. Donc, présentation en 63 devant l'Académie des sciences, retour sur le site en 67. On parle à l'époque, et je l'évoquais tout à l'heure dans la présentation, de l'homme tertiaire. Quelle est finalement la conception que ont à cette époque les différents scientifiques qui vont intervenir sur le site de Saint-Pré? Comment est-ce qu'on se figure cet homme tertiaire qui a été défini selon... Il y a trois sites où on pense que ce sont les trois marques qui permettent de le catégoriser. Alors c'est, je disais tout à l'heure qu'on trouve ce que l'on cherche, et en fait en allant de plus en plus profondément dans cette épaisseur du temps, se pose la question de l'homme. Ça pose pas d'un point de vue anatomique, hein, on n'est toujours pas dans l'idée de savoir à quoi il ressemblait. En revanche, se pose la question de remplir ces trois critères que j'évoquais tout à l'heure autour de l'Arte. Il manquait un élément qui était celui de l'industrie. Alors effectivement, on a des sites en France ou au Portugal, par exemple, ou en Italie, qui ont fourni des industries, en tout cas ce que l'on considère être des industries, c'est-à-dire des pierres taillées, ou en tout cas considérées comme taillées, dans des gisements très anciens. Donc, retourner à Saint-Pré, c'est peut-être aussi avoir et la faune et les outils et les traces de découpe, et donc ce serait un site tout à fait intéressant. Alors, en fait, la création de l'homme, j'aime pas le terme de création parce que c'est une vraie création, hein. Vous avez en fait deux individus qui sont derrière cette idée d'un homme tertiaire. C'est en France, c'est d'une part l'abbé Bourgeois, hein, qui est un prêtre de la région de Vendôme, mais qui est très actif et qui a mis au jour un grand nombre de sites paléontologiques et préhistoriques dans cette région, et qui est un véritable expert, hein. J'évoquais tout à l'heure Moulin-Quignon. Il est appelé comme témoin par Jacques Boucher de Perthes pour l'affaire de Moulin-Quignon. Donc, il a des compétences qui sont reconnues. Et il y a un autre individu qui est Gabriel de Mortillet. Et donc, Gabriel de Mortillet, lui, est attaché de conservation, dirait-on maintenant, au musée des Antiquités Nationales, devenu maintenant musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et ce sont deux points de vue différents par rapport à l'homme tertiaire. C'est-à-dire que pour l'abbé Bourgeois, il est possible qu'un homme ait pu exister au tertiaire, c'est-à-dire il y a très longtemps. Alors, on va pas dater, on va pas mettre d'années, on va pas mettre de millions d'années ou de centaines de milliers d'années, c'est il y a très longtemps. Il a pu exister, donc il veut juste démontrer cette continuité. C'est-à-dire que de tout temps, un homme finalement a existé sur la Terre depuis que la vie y est présente. Et puis, Gabriel Mortillet, de son côté, lui, est dans une démarche qui est un peu différente. Alors, on pourrait taxer, en étant très schématique, la démarche de Bourgeois de spiritualiste. Donc, il part du principe d'unité de l'espèce humaine, de création divine. Et puis Gabriel de Mortillet, qui est à l'autre bout de l'échiquier philosophique, est plutôt dans l'idée qu'il y a, j'allais employer le terme d'évolution, mais qui n'est pas le mot juste parce qu'il est très connoté, très relié soit à la Marx, soit à Darwin, mais une espèce de transformisme dont le moteur est le progrès, qu'il soit biologique ou culturel ou moral. Et pour lui, là, finalement, il est nécessaire qu'un homme apparaissent, une espèce de chaînon manquant, dirions-nous, entre l'animal et un homme plus proche de nous, anatomiquement en tout cas, et culturellement en tout cas. Et donc il a besoin de cet homme tertiaire. Et donc il va le créer sans le moindre ossement. Il va le créer parce qu'il en a besoin intellectuellement pour sa propre théorie, pour sa propre chronologie. Un peu après notre affaire, en 83, hein, c'est ça? Il se convertit dès 1867 lui-même. L'aubaine est trop belle pour lui. Oui, donc il va un peu instrumentaliser les recherches de l'abbé Bourgeois, mais va se rendre compte très vite que l'abbé Bourgeois, lui aussi, est emporté par un moteur philosophique et que conteste Mortillet. Donc il va finalement un peu abandonner Bourgeois, qui sont peut-être trop la sacristie, et donc pour créer son propre homme tertiaire. Mais oui, effectivement, 1883, c'est son manuel qui s'appelle Le Préhistorique, qui va véritablement va écrire dans le marbre l'existence de cet homme tertiaire. Et dernière question avant de passer au présent, comment finalement, donc retour Amélie Vialet donc en 67, fouilles complémentaires, est-ce que à l'issue de ces fouilles complémentaires, le site de Saint-Pré qui va tomber dans l'oubli après, il se dégage une forme de consensus qu'on pourrait appeler aujourd'hui un consensus, c'est-à-dire de se dire il y a eu ou non présence humaine sur ce site, ou est-ce que ça continue à diviser la communauté des scientifiques de l'époque? En fait, je pense que il n'y a pas vraiment de retour vers la fouille, etc. C'est une carrière en activité. Et en fait, elle est accessible finalement, je pense, en permanence pour qui est intéressé. D'ailleurs, un des arguments de Desnoyers pour contredire Eugène Robert, qui ne pensait pas que ces traces sur les ossements pouvaient être anthropiques, c'est de dire allez vous-même, allez sur le terrain, allez déterrer des ossements et faites vos propres observations fraîches, puisque Eugène Robert concluait que ces traces que Desnoyers observait, elles étaient dues plutôt aux préparateurs qui, en nettoyant les ossements, avaient laissé des traces. Donc elles étaient récentes. Voilà. Donc finalement, c'est toujours accessible. Il suffit quelque part d'y aller. Mais en fait, justement, mais Arnaud Hurel nous l'expliquerait beaucoup mieux, mais comme la préhistoire est en construction à ce moment-là, elle commence à gagner en légitimité. Finalement, des sites comme Saint-Pré, on pourrait dire Saint-Pré est un peu bancal, on n'a pas toutes les preuves. Dans le débat entre Desnoyers et Robert, ben finalement, personne ne l'emporte. Personne n'emporte le morceau, vraiment. Donc, dans cette indécision, finalement, ce genre de site, sa destinée, ça va être d'être oublié. Alors, pas à tous les niveaux, parce que Saint-Pré, avec la belle faune qu'on lui connaît, est resté un site quand même de référence pour les paléontologues. Donc Saint-Pré n'est pas oublié dans sa dimension paléontologique. Certains géologues aussi vont revenir à Saint-Pré parce que justement, c'est un grand nom qui intrigue quand même jusqu'à aujourd'hui. Donc on a des gens comme Bourdier ou comme Jean-Pierre Letridou ou Yvette De Wolf qui vont revenir sur le terrain faire des analyses géologiques. Voilà, mais d'une façon générale, je pense que après 1867, le site tombe dans l'oubli pour ces raisons-là, parce qu'il n'a pas convaincu et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des sites qui ne sont pas totalement satisfaisants pour construire la préhistoire. Arnaud Hurel. Ah oui, je peux confirmer. D'une part, la préhistoire est attaquée en tant que telle. Elle est attaquée pour diverses raisons. Il serait caricatural de dire qu'elle serait attaquée par un camp spiritualiste. En fait, éventuellement, mais elle est surtout attaquée par les autres disciplines. Pour que la préhistoire existe, il faut qu'elle s'affranchisse de la géologie, de la paléontologie, de l'archéologie. Donc, il faut qu'elle dise nous sommes en tant que telle une vraie science, et cette vraie science peut poser ses propres questions et avoir ses propres méthodes pour y répondre. Donc, elle est attaquée aussi par toutes ces autres sciences desquelles elle est née en réalité. Et elle a absolument besoin d'écarter les sites qui pourraient être porteurs de doutes. Et donc, on les met de côté. Mais ça, c'est un mouvement qui n'est pas propre à la France, qui n'est pas propre à Saint-Pré. On observe exactement la même chose en Grande-Bretagne. On a besoin d'écarter ces sites parce qu'ils sont des sites qui peuvent provoquer des débats, et des débats, la préhistoire n'en veut pas. Et des débats aujourd'hui, on en veut. Et pour essayer de trancher ce débat centenaire, eh bien, vous êtes retourné à Saint-Pré. Il a fallu faire un travail, vous allez nous en parler, Amélie Vialet, dans un instant, de recollection, de récupérer tous les échantillons, tous les fossiles qui avaient été dispersés pour les analyser avec nos outils du jour. C'est l'histoire que vous allez nous raconter dans quelques minutes musicales. Jolson sings about his mammy, and who am I to say he's wrong? But I'm an archaeologist, you see, and this is my favorite song. A caterpillar is a thriller to a caterpillar. The flowers and the bees are very chummy. A cricket has a thicket where he serenades a cricket. But a man's best friend is his mummy. A beaver can increase the fever of another beaver. A puppet dreams about a wooden dummy. A gopher always finds a gopher that he seems to go for. But a man's best friend, it is mummy. Oh, I've traveled in every direction. But now I realize there's nothing like that look of affection I find in my mummy's eyes. A white fish is the right fish to delight another white fish. A little piggy loves his little tummy. A turtle who's a flirtle find excitement with a turtle. La da da da da. But a man's best friend, it is mummy. Oh, my best friend and I, what say? No, not divided, yeah. No, since he's gone away. Oh, say, down deep in my heart, I've decided ra-ta-ta-ta, to make every day a mummy's day. The Archaeologist Lament à 16h40 sur France Culture de Danny Thomas, puisque nous parlons non pas d'archéologues qui se lamentent, pas du tout, au contraire, d'archéologues et de paléoanthropologues qui sont ravis de retourner sur le site historique de Saint-Près, dont nous vous racontons l'histoire aujourd'hui en compagnie d'Amélie Vialet, qui est maîtresse de conférences en paléoanthropologie au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Arnaud Hurel, qui est historien également au Muséum. Émission donc en lien avec l'exposition Mammouth G dans la vallée de l'Eure au musée des Beaux-Arts de Chartres, une exposition qui dure jusqu'au 5 juin. Et on en parlait donc à l'instant, la difficulté pour attester ou non de la présence humaine sur le site de Saint-Près ou ailleurs d'ailleurs, tient donc à la possibilité de caractériser des traces de découpe ou de boucherie sur certains ossements. Aujourd'hui, les techniques qui permettent de déterminer la nature de ces stries ont beaucoup évolué, évidemment, depuis la moitié du 19e siècle. Et c'est le sujet de votre reportage du jour, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des travaux de recherche en cours avec Camille Dojard, qui est archéozoologue au sein de l'unité Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Muséum d'Histoire naturelle, et Sylvain Pont, qui est ingénieur pour la plateforme de microscopie électronique à balayage, également au Muséum. Tous les deux nous font partager leurs observations au microscope électronique à balayage d'un moulage d'un fossile d'ours des cavernes datant d'environ 200 000 ans, qui aurait été l'objet d'activités de boucherie réalisées par des Néandertaliens dans une grotte de la vallée du Rhône. Alors aujourd'hui, c'est particulier, on travaille sur des échantillons qui sont en fait des restes fossiles de grands carnivores qui proviennent d'un site préhistorique, une ancienne grotte qui était effondrée dans la vallée du Rhône. Et on a découvert dans ce site, outre des restes laissés par des Néandertaliens, on a aussi découvert en fait des restes de carnivores, puisqu'en fait c'était une grotte, donc elle était occupée aussi par des carnivores. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, ce sont des pièces avec des marques... potentiellement des marques de boucherie sur ces carnivores. Donc laissés, en fait, des carnivores qui auraient été exploités par les hommes de Néandertal. Quel type d'os est présent aujourd'hui sous ce microscope ? Alors là, c'est, je crois, c'est l'ulna, donc anciennement ce qu'on appelait cubitus, d'un ours des cavernes, donc avec des marques qui s'apparentent à des marques de désarticulation. J'ai l'impression un petit peu d'être dans un local de la police scientifique. C'est comme si vous, Camille Dojard, vous étiez l'inspectrice et Sylvain, vous étiez le spécialiste des traces de crime. Alors expliquez-moi un petit peu, vous, quand on vous propose un ossement comme ça, comment vous allez chercher sur cet os des traces qui pourraient être significatives et à quel moment vous vous arrêtez, vous vous dites là, ah peut-être, il y a peut-être une preuve intéressante. Alors moi je m'arrête quand Camille me dit d'arrêter, parce qu'en fait moi je vais apporter tout ce qui va être l'ingénierie du projet, ce qui va être faisable ou pas en fonction de ce que l'on peut faire subir aux échantillons de Camille ou pas en termes de préparation. Donc là par exemple, on vous a dit qu'on travaillait sur des os, mais on ne travaille pas directement sur les os, on travaille sur des moulages d'os, parce qu'en fait les échantillons de Camille aujourd'hui, certains sont très volumineux. Ce sont des matériaux très poreux, donc pour entrer dans ce type d'équipement, qui est, on va dire, plongé sous vide secondaire, ça peut être très long pour atteindre le vide secondaire, justement, avec un échantillon qui peut potentiellement beaucoup dégazer. Donc là, à ce moment-là, on va plutôt favoriser le travail sur moulage. Donc c'est de la résine de précision, utilisée généralement par les dentistes pour les micro-stries. Donc la Camille a réalisé les moulages. Et ces moulages, on les a recouverts d'une très fine pellicule d'or, pour pouvoir faire de l'imagerie de façon très très confortable. Là, quand vous êtes face à ce type d'image, est-ce que vous pouvez vous dire à tel degré de certitude, je suis face à une trace qui est le fait de la main de l'homme ? C'est une question assez problématique. Dans certains cas, notamment là, c'était des restes assez rares de carnivores, donc on se pose vraiment cette question-là, est-ce qu'on est vraiment face à des marques laissées par des tranchants d'outils lithiques ? Ou alors dans des contextes très anciens aussi, on a ces problèmes-là. Et alors la seule manière, outre le fait des fois d'avoir des localisations, une récurrence aussi, une fréquence de ces marques, qui peut nous donner aussi une assurance, mais c'est aussi à très grande résolution, ça permet en fait l'image, on peut voir certains critères, qui ont été, pareil, grâce à ces référentiels mis en place, une dizaine de critères. On doit avoir les uns avec les autres, en fait, associés, hein, pour pouvoir vraiment être le plus sûr possible de notre identification. Et par exemple, sur ces images que vous voyez là, on a notamment un critère qu'on connaît tous en tant qu'archéozoologue, c'est ce qu'on appelle des micro-stries, qu'on peut voir à l'intérieur des stries d'une strie de boucherie, par exemple. Donc, c'est des petites stries qui sont laissées par les reliefs, en fait, des tranchants d'outils lithiques, et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc ça, c'est vraiment un des critères importants qu'on peut avoir avec ce type d'image au microscope. Voilà, après, il y en a d'autres, il y a ce qu'on appelle des épaulements, il y en a plusieurs comme ça. Donc on se déplace un petit peu comme ça avec Sylvain sur la surface pour essayer de capter, ou pas, hein, ce genre de critères et pouvoir assurer vis-à-vis de la communauté surtout. Parce que parfois, je vous rassure, parfois c'est évident. Et parfois, en fait, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a d'autres types de stries qui sont faits dans la nature, ce qu'on appelle des stries de piétinement. Enfin, par la nature, naturellement, on va dire. C'est par exemple quand des os sont roulés, notamment les ours des cavernes, justement, quand ils se déplacent dans les grottes, ils balayent un peu tout sur leur passage et ça laisse des marques avec les sédiments. Les petits bouts de quartz ou des petits bouts de pierre, de sédiments, ça laisse des marques qui sont des marques naturelles et qui s'apparentent des fois extrêmement bien avec des marques de boucherie. Donc là, c'est l'enquête qui commence. Ouais. Donc là, est-ce qu'on peut dire on est face à des traces de boucherie de façon, quasi certaine? Oui, c'est ce que je disais à Sylvain tout à l'heure, en fait. C'est qu'en fait, on a cette chance-là, sur ces restes que vous voyez là, d'avoir une belle récurrence, une localisation aussi assurée, parce que le contexte, en fait, est aussi important, bien sûr. Il y a une première approche qu'on appelle naturaliste, presque, et que de l'observation. Mais sur ce type de reste, un petit peu rare, on a besoin d'avoir de ces images-là, vis-à-vis tout simplement après de la communauté, vis-à-vis de l'article qu'on va peut-être publier ensemble, et avec les autres collègues. On a besoin de ces images-là pour les assurer. Mais oui, effectivement, ces stries que vous voyez là, ce sont des stries assez, avec beaucoup de chance, des stries assez évidentes. Ouais. Mission accomplie. Là, on est sur un espace de ce fossile-là, de cette reproduction, reconstitution du fossile. Est-ce que si on se déplace ailleurs, il y aura d'autres traces d'un autre type ? Et est-ce que là, vous allez encore mener une autre enquête ? Est-ce que potentiellement un même fossile peut présenter des signes contradictoires ? Ce fossile-là en particulier, en fait, parce qu'il y a deux zones de stries. Mais surtout, ce qui est intéressant, la pièce, elle est juste derrière vous. Et il associe aux marques de boucherie des marques de dents de carnivores. Donc cet élément-là, en fait, il a été, consommé, exploité par deux types d'agents. Les humains et puis aussi, très certainement, un autre carnivore, peut-être soit un ours des cavernes, soit une hyène des cavernes, parce qu'il y a aussi des hyènes dans ce site-là. Ouais. On ne sait pas qui a eu la prééminence de la première viande, on va dire. Peut-être qu'il y a eu charognage avant, après, on ne sait pas. Ça, c'est là, toute la microchronologie qui est peut-être là, pour le coup, impossible à reconstituer. Si, on peut parfois, et parfois. Et cette pièce-là, en particulier, elle est vraiment intéressante, parce que ce que j'ai vu tout à l'heure, mais qu'on pourra peut-être voir avec un grossissement un peu moindre sur une binoculaire, c'est ce que on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des petites traces de dents de carnivores qui, a priori, se trouvent au-dessus des marques de boucherie. Donc, a priori, en fait, un carnivore qui est arrivé après les humains. Voilà, les nouvelles technologies qui permettent d'examiner finement le registre fossile pour savoir décider si les indices sont suffisants pour décider qu'il y a eu ou non une action de découpe ou de boucherie anthropique. Peut-être un mot, Amélie Viallet, simplement à propos de ce reportage. Oui, mais c'est tout à fait la démarche qu'on a suivie justement sur le matériel de Saint-Pré, parce que dans ce qu'on disait du réexamen de Saint-Pré au cours du temps, depuis un siècle et demi, voire un peu plus, on a dit qu'il y a eu un intérêt des paléontologues, des géologues, mais pas des archéozoologues justement, pour pour essayer de faire le point sur ces interactions entre l'homme et l'animal. Donc c'est tout à fait ce qu'on a suivi avec toute la difficulté que met bien en évidence Camille de confirmer, de bien déterminer que ces traces sont anthropiques. Vous voulez la réponse ? Bah, allez, à 10 minutes de la fin de l'émission, est-ce qu'on peut donner la réponse ou est-ce qu'on attend encore 5 minutes ? Non, allez, donnez-nous la réponse. Donc finalement, c'est pas énorme, c'est-à-dire que on préfère encore peut-être utiliser le conditionnel pour dire que le site de Saint-Pré est un site préhistorique plus que paléontologique, parce que des traces de découpe comme celles qu'on vient de décrire, on en a trouvé sur une petite dizaine d'ossements sur les 500-600 qu'on a regardé très attentivement. Donc c'est peu. Mais sur ces sites, rappelons qu'on est autour d'un million d'années, qu'on a beaucoup de sites maintenant à peu près de cette période-là autour du bassin méditerranéen, on disait tout à fait que les mêmes genres de faune, des sites qui sont aussi des sites de plein air, on l'a dit, avec des carcasses animales qui vont être utilisées par justement les différents charognards, dont l'homme, j'ai envie de dire. Et bien donc, dans ces sites, on a également souvent peu de traces de découpe. Donc, autrement dit, le dépeçage, le fait d'aller chercher la viande sur les ossements ne laisse pas toujours non plus des traces du fait de l'utilisation de ces petits outils taillés. Et donc l'autre, en effet, indice à Saint-Pré, ce sont les pierres taillées. On en a parlé rapidement. Elles arrivent tardivement, peut-être parce qu'on les reconnaît tardivement. En tout cas, c'est le fait de l'abbé Bourgeois en 1867 qui, lui aussi, dans une séance à l'Académie, annonce avoir trouvé des pierres taillées associées avec les ossements de Saint-Pré. Ça fait un peu un flop parce que finalement, voilà, ça arrive un peu tard. On est passé à un autre questionnement en termes d'histoire de la préhistoire. Hein. Mais on les a retrouvés au musée justement d'archéologie nationale Saint-Germain-en-Laye. Il y a quatre petites éclats qui sont en silex, hein, qui sont tout à fait compatibles avec ce que l'abbé Bourgeois décrit, mais qui pour nous aujourd'hui sont peu discriminants. Alors, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ben parce que finalement, ce sont des pièces qui ne sont pas très élaborées, on pourrait dire, ou en tout cas dont on ne suit pas bien finalement la chaîne opératoire, la mode de fabrication. Et surtout parce qu'on est dans un contexte de carrière. Et en plus, dans cette carrière, ce qu'on exploite, ce sont justement les bandes silex dont on fait du caillouti qu'on va complètement brasser, concasser. Donc c'est difficile entre un caillouti concassé et voilà, un éclat peut-être façonné par l'homme qui lui fait aller entre 4 et 5 cm de long, de faire réellement la différence. À quel moment vous avez décidé de retourner à Saint-Pré et comment est-ce que vous avez procédé pour retrouver et avoir à disposition autour de 500, 600 restes fossiles ou objets, alors qu'il y en avait peut-être à peu près un peu moins du double. Il y en avait 800, 900 à l'origine, c'était dispersé partout, ça a été un travail de fourmi, j'imagine. Oui, c'est ça. L'idée, ça a été de retravailler sur les collections de Saint-Pré et évidemment d'avoir le maximum d'informations. Parce qu'on l'a dit, on n'a pas tous les éléments puisqu'il s'agit d'une collecte et pas d'une fouille. Donc le minimum, c'était d'avoir le maximum qu'on puisse justement voir aujourd'hui. Donc c'est différents fonds pour différentes raisons. À l'époque, par exemple, on peut acheter une partie des collections. C'est ce que fait le duc de Luynes pour son musée d'histoire naturelle au château de Dampierre. Et on n'avait pas eu accès jusqu'à présent au château de Dampierre, ce qui a été fait récemment. Donc on a pu redécouvrir cette collection du duc de Luynes du milieu du 19e siècle. Il se trouve qu'il avait en fait acheté essentiellement les ossements de mammouth et les ossements du squelette de mammouth. Donc on a plusieurs individus, on a des mâles, des femelles, des jeunes, des moins jeunes, des individus très âgés, et on a non seulement le crâne et les mandibules, mais en plus des éléments de son squelette. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est aller voir un petit peu dans différents muséums, à Blois par exemple, dans différentes universités, à Lyon aussi, pour avoir une vision la plus holistique, hein, la plus exhaustive possible de toute cette collection. Les outils, donc, ou les candidats outils, pourrait-on dire, puisque, comme vous le dites, ça n'est pas discriminant. Si on devait les comparer à une autre forme d'industrie lithique, ce serait laquelle ? Ce serait celle de quelle population dominine ? Alors, c'est pas discriminant parce qu'on a quatre pièces et qu'on a expliqué le contexte, c'est pas évident. En revanche, ça ressemble vraiment à ce qu'on devrait trouver. D'accord. Hein, c'est-à-dire que dans d'autres sites, on a parlé du site du bassin d'Orsay dans le sud de l'Espagne, Fuentenueva 3 par exemple. On peut parler du site de Lunéry qui est dans le centre de la France, autour d'un million d'années aussi. Bien d'autres. Hein. Eh bien, on a finalement souvent les hommes à l'époque, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est des petits éclats de façon un peu, on dit, opportuniste. C'est très intelligent d'être opportuniste finalement, parce que il tire le maximum de quelques gestes simples. Donc voilà, le galet de rivière est mis à profit, le nodule de silex aussi, pour produire des petits éclats qui sont très tranchants quand on les fabrique et qui sont très très pratiques pour découper la viande, par exemple. Donc finalement, c'est ce genre d'objet qu'on aurait dû trouver. Après, autour d'un million d'années, enfin vers 700 000 ans, avec le site de Moulin Quignon dont on a déjà parlé, par exemple, on passe là sur le façonnage des bifaces, hein, de ces outils qui sont plus élaborés, qui sont façonnés sur deux faces avec un tranchant périphérique qui permet tout à fait d'autres activités. Mais donc c'est conforme à ce qu'on pouvait attendre. Et donc et du coup, ce qui est conforme à ce qu'on pourrait attendre, ça veut dire qu'on serait face à quel type de population dominine ? Alors, au niveau des restes humains, là, autour d'un million d'années, on n'en a pas beaucoup. Même quand on regarde un peu large, alors on a quand même évidemment des hominines fossiles qu'on connaît en Afrique de l'Est, qu'on connaît en Asie, en Chine ou en Asie du Sud-Est, à Java par exemple. Mais en Europe ? En Europe, on en a, grâce aux Espagnols, encore une fois, avec les sites d'Atapuerca, notamment le site de Grandolina. Et donc, les collègues espagnols ont déterminé, pour caractériser ces ossements, une nouvelle espèce qui s'appelle Homo antecessor, qui nous donne donc une idée un peu quand même de ces individus. Un mot de conclusion, Arnaud Hurel, si on retourne dans le passé, la suite de la définition de la préhistoire après 67, quels vont être les éléments rapidement déterminants qui vont faire basculer la préhistoire dans le registre des sciences et des sciences établies ? En fait, après avoir répondu à la question de l'ancienneté de l'homme, c'est-à-dire avoir déterminé qu'il existe un homme antéhistorique, les questions suivantes, en fait, vont être plutôt chronotypologiques, c'est-à-dire que l'on... face à l'abondance d'industries lithiques, toutes ces pierres taillées, il va falloir les positionner dans une chronologie. Et donc c'est Gabriel de Mortillier que j'évoquais tout à l'heure, qui au niveau européen va être celui qui va fournir l'espèce de couteau suisse qui permettra de répondre à toutes les questions que l'on va se poser en la matière. Et c'est ce schéma assez simple, mais très utile, va perdurer jusqu'au tournant jusqu'au tout début du XXe siècle. Donc c'est la question dominante à partir des années qui précèdent la Première Guerre mondiale, arrivent d'autres questions autour de la complexité, en fait. Donc la complexité, c'est l'idée de populations qui peuvent être différentes culturellement, voire anatomiquement différentes, et qui vont pouvoir cohabiter ou non. Et donc on va retourner finalement au terrain, on va plus abandonner un peu les collections pour retourner au terrain et positionner tout cela dans une chronologie, dans une stratigraphie. Donc c'est le moment où on va reconnaître des questions autour des pratiques symboliques, hein, l'art pariétal en particulier. Donc voilà, ce sont les questions qui vont se poser. Mais finalement, en fait, on parle beaucoup de... Tout à l'heure, on a eu un petit échange autour de fouille ou de non-fouille. En fait, la grande question de l'entre-deux-guerres va être la fouille, en fait. Un déplacement épistémologique, c'est que finalement, la fouille va devenir l'acte fondateur, hein, certes pour mettre au jour des objets, mais des objets déconnectés de toute information ne restent que des objets morts. Donc c'est cette idée qui va émerger entre les deux guerres mondiales. Et effectivement, ensuite, après la Seconde Guerre mondiale... Des gens comme Leroy Gourhan feront leurs affaires de ce type de questions. Je me permets juste de relever un point, puisque Amélie Viallet n'a pas tout à fait répondu à votre question précédente. Quel est l'intérêt de ce type de recherche ? C'est-à-dire que nous avons la chance de travailler au Muséum national d'histoire naturelle, où sont rassemblées plus de la moitié de toutes les collections des musées de France. Donc on a une responsabilité, y compris vis-à-vis de l'ensemble de la communauté scientifique, mais surtout de l'ensemble de nos concitoyens, qui est de justifier le fait de conserver toutes ces collections. Et donc, poser des questions, soumettre à des questions très actuelles, très contemporaines, des collections dites historiques que certains considèrent comme mortes parce qu'elles datent d'il y a 100 ans ou 200 ans, eh bien finalement, c'est notre responsabilité en tant que chercheurs. Alors, ils pourront nous répondre ou pas nous répondre, mais faisons l'effort de leur poser des questions. Et je crois que des projets comme celui de Saint-Pré, celui de Moulin-Quignon qu'on a évoqué, ou celui autour de l'éléphant de Durfort que nous venons de lancer, participent à ce type de démarche et on le doit à nos concitoyens, je crois. Eh bien, vive le Muséum National d'Histoire Naturelle et ses collections. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Amélie Viallet, merci Arnaud Hurel. On peut vous lire dans La France préhistorienne de la Révolution à 1941 aux éditions du CNRS. Et puis, si vous voulez aller voir les magnifiques ossements de ce mammouth méridional, vous pouvez vous rendre au Musée des Beaux-Arts de Chartres pour voir l'exposition Mammouth géant dans la vallée de l'Eure. C'est jusqu'au 5 juin prochain. La méthode scientifique, c'est Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Natacha Triou, Alexandra Delbault, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Amel Boucherka, Olivier Bétard, à la réalisation, Jean-Guilain Mège à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.